pour les protéger. On sait que les hivers sont quand même néanmoins de plus en plus doux, mais voilà, on va voir comment s'adapter à tout ça. Un conseil à vivre sur France Bleu Lorraine d'ici moins d'une demi-heure. Sinon, on continue notre balade et nous sommes toujours au centre de Rhodes, au parc animalier de Sainte-Croix, avec Céline Crouchy qui nous rejoint sur France Bleu Lorraine dans moins de 5 minutes. Les coups de cœur de France Bleu Sud-Lorraine. La ferme du Ménil-Saint-Michel à Flavigny-sur-Moselle en Meurthe-et-Moselle fait partie des scènes de spectacle qui valent le détour, avec une grande halle couverte qui accueille régulièrement des spectacles équestres. Mais à la fin du mois d'octobre, la place au musicien, chanteur, sophrologue Robert Dame. Il est lorrain et son spectacle est absolument à voir en famille. Le spectacle des émotions, avec des solutions en chanson pour bien vivre avec ses émotions. Un spectacle pour tous de 3 à 118 ans. Et les vendredis, samedi, dimanche, 27, 28 et 29 octobre à 20h. En balade avec Damien Colombo. Et oui, cette année, France Bleu Lorraine vient chez vous tous les jours. Lieu insolite, moment de vie, vos métiers, vos loisirs. C'est un sport qui est super sympa, très rafraîchissant et c'est vachement bien d'avoir ça maintenant entre Nancy et Metz. Tous les matins, immersion totale dans la vie des Lorrains. À pied, à cheval, en vélo, en voiture, en train, en bateau, par tous les moyens, je viendrai à votre rencontre. Tous les matins, entre 7h et 8h, vivons ensemble la Lorraine. Le baladeur France Bleu Sud-Lorraine, Damien Colombo. Le 16-18 France Bleu Lorraine. Avec Talk Talk and It's My Life maintenant sur France Bleu Lorraine. La musique avec Patrick Fiori, Florent Pagny en duo, c'est JV qui arrive aussi sur France Bleu Lorraine. Yannick Noah pour la chanson Angela. Et puis Gaëtan Roussel, un nouveau titre sur France Bleu que vous découvrirez avant 17h en duo avec Adeline Loveau. Que du bon sur France Bleu. It's My Life avec Talk Talk sur France Bleu Lorraine. Et notre reporter baladeur Céline Crucci est aujourd'hui au parc animalier de Sainte-Croix. Bientôt les vacances de la Toussaint. Bah oui, dites-moi, mais c'est à la fin de cette semaine là déjà qu'on est en vacances, non? Bah oui, bande de vénards, vous allez pouvoir y aller à Sainte-Croix. Et voici les temps forts proposés par le parc pendant ces vacances. Et oui, beaucoup de choses de prévues pour Halloween. Mandy, chargée de communication du parc animalier de Sainte-Croix, est avec moi ce matin pour nous parler de ces événements prévu pour Halloween, des spectacles notamment, Mandy. Oui, et effectivement, donc Halloween, c'est quand même un événement assez particulier au parc animalier, parce que le parc se métamorphose. Il y a des citrouilles partout là, hein, déjà. C'est ça, il y a des citrouilles partout dans l'entrée. Il y a d'ailleurs, sous le pré ou à l'entrée, dès que vous rentrez, il y aura évidemment, comme chaque année, le concours pour deviner le poids de la citrouille géante. Et cette année, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut savoir que de base, Halloween, l'événement au parc animalier est organisé via le festival Bêtes et Sorcières organisé par le département de la région de Moselle. Et donc, cette année, on organise le festival des créatures fantastiques à Sainte-Croix. Oui. Et on va vraiment mettre en avant tous nos animaux, les animaux qui sont un peu mal aimés, les découvrir par exemple, vraiment, par exemple, les loups qui font controverse. Oui. On va avoir des animaux qui sont plus méconnus du public parce qu'on a des chiens de prairie. D'accord. Un animal qui est tout petit, tout mignon, mais finalement qu'on connaît pas trop et dont les visiteurs ignorent pas mal de choses. Et sur leur territoire, c'est trois familles. Trois colonies, donc ce sont des animaux qui sont très territoriaux, et donc on va expliquer avec une nouvelle animation sous forme de bornes sonores en fait comment vivent ces espèces un peu avec des allures de Game of Thrones. Ils auront même droit à leur trône de bois. Oh, super, super sympa. Donc voilà, et évidemment le parc reste aussi accessible hors événement pour Halloween. À cette période, le parc reste ouvert dans son entièreté. Exactement, le parc reste ouvert. Donc je le rappelle quand même que Halloween, ça commence au grand public du 22 octobre jusqu'au 5 novembre, à savoir qu'il y a un événement particulier qui se passe le 21 octobre, en collaboration toujours avec le département de la Moselle dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, où les ambassadeurs de Moselle vont pouvoir découvrir en avant-première les événements d'Halloween et vont tenter de remporter, de battre un record qui est celui du plus grand nombre de betteraves grimaçantes d'Halloween apposées l'une à côté de l'autre. Et donc le record à battre, c'est 1000 betteraves. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, donc on espère le battre. Donc voilà, le parc animalier de Sainte-Croix, c'est déjà un émerveillement sans tous ces événements. Là, moi je viens d'y rentrer, voilà, on se balade, on voit déjà les couleurs orangées, on voit les citrouilles. C'est vraiment, on est dans un autre monde. Oui, c'est vraiment une ambiance totalement différente. On est un peu dans une bulle de nature et vraiment avec la décoration, les parades qui auront lieu à la tombée de la nuit, ça va vraiment être un événement magique. Voilà, pour Halloween, rappelez-nous les dates. Du 22 octobre au 5 novembre. Du 22 octobre au 5 novembre au parc animalier de Sainte-Croix. Nous continuons notre visite de ce magnifique parc sur France Bleu Lorraine. Eh ben voilà, et nous serons au rendez-vous effectivement pour les vacances. Merci beaucoup Céline Crucci, Patrick Fiori, Florent Pagny, deux immenses voix maintenant réunies dans ce duo. C'est JV et c'est maintenant sur France Bleu Lorraine. Juste après, on va faire un point sur la route. Attention, dans la métropole du Grand Nancy, c'est très chargé côté Marcel Brouilly, on vous explique pourquoi. S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas dans mes rêves. traverser les mers pour embraser les terres de feu. J'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais quand le passé me distance. Je l'entends rire en silence. Et dans chacun de nous Patrick Fiori, Florent Pagny, j'y vais sur France Bleu Lorraine. Vous irez peut-être au concert samedi soir du côté de Saint-Dié-des-Vosges à l'espace Georges Sadoul. On va rendre hommage avec ce tribut, ce groupe qui rend hommage à Neil Young. Alors, il est toujours en vie, hein, Neil Young, hein, il est aux États-Unis. Voici un homme engagé musicalement avec une voix inimitable. Et pourtant, c'est cette voix-là que vous allez retrouver samedi soir dans ce tribute qui sera rendu à Neil Young à l'espace Georges Sadoul. Je vous en parle parce que tout à l'heure, France Bleu Lorraine vous offre vos invitations pour aller vivre cette soirée à Saint-Dié, à l'espace Georges Sadoul. Vous jouerez après les infos de 17h, ok? Les idées sorties de France Bleu Sud Lorraine. La dernière soirée du Nancy Jazz Pulsation en cette année anniversaire promet d'être énorme. Rendez-vous samedi 21 octobre avec Thomas Dutronc Trio pour tous les amoureux de la guitare manouche, mais aussi Sun Ra Orchestra qui avait marqué la première édition du festival en 1973. Voilà un orchestre pour les amoureux du swing et du bebop. Et en clôture, une création confiée à Michael League, le bassiste américain, va réunir pour le festival 13 musiciens de toutes les scènes du monde pour une sorte de All-Stars, témoin des multiples visages du jazz, à ne pas louper donc le dernier soir du Nancy Jazz Pulsation à Nancy. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Lorraine, ici, on parle d'ici. Oui, et nous sommes avec vous sur la route avec cette difficulté dans la métropole du Grand Nancy. Il y a une intervention actuellement aux alentours du rond-point Marcel Brault, plus particulièrement rue Jean Moulin. Une intervention sur une fuite de gaz qui est liée à des sondages qui ont eu lieu dans le secteur. Ce qui explique cette grosse difficulté, hein, le rond-point Marcel Brault. C'est très difficile d'y pénétrer à cette heure-ci par le cimetière du Sud. Et puis, ça a des répercussions aussi sur la rue Marcel Brault et sur la rocade Sud-Est, hein, quand vous arrivez de Tomblaine notamment. Gros ralentissement dans les deux sens d'ailleurs, hein, entre Marcel Brault et Tomblaine. Voilà, secteur à éviter peut-être pour le moment. Intervention toujours en cours. On vous tiendra informé bien sûr. Et puis vous aussi, vous pouvez nous passer un petit coup de fil au 03 83 36 20 20. Bonne route avec nous partout ailleurs. Pour le moment, ça roule très bien. L'infotrafic 100% local avec Décor Jardin Champenoux. Horticulteur lorrain depuis 60 ans, de fleurs, plantes, légumes et arbustes à découvrir sur décorjardin.fr et en magasin. Le 16-18 France Bleu Lorraine, Véronique Laure. Avec Dépêche Mode et Personal Jesus. Et juste après, on file au jardin avec Roland, s'occuper de nos plantes méditerranéennes. Personal Jesus avec Dépêche Mode sur France Bleu Lorraine. À venir, le numérique, ça s'explique, hein, pour tout découvrir de l'univers du numérique chaque jour sur France Bleu Lorraine. Mais d'abord, on part au grand air et c'est vrai qu'il faut faire attention à chacun, à chacune, hein, dans le jardin. On s'intéresse dans nos conseils jardin aux plantes méditerranéennes. Avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour, Xavier. Vous êtes notre jardinier, mais alors la Méditerranée, c'est loin de chez nous. Là, on est en Lorraine, Roland. Ça pousse bien, ces plantes-là ? Oui, ça pousse en pot et on est habitué en Lorraine à avoir des citronniers, des orangers, des oliviers parce que ça nous fait rêver. On rentre du midi pour les vacances, on se disait ça serait bien d'avoir une de ces belles plantes qu'on trouve là-bas, comme les lauriers roses, donc qui sont fleuries et qui sont très fleuries. Et donc ça nous donne envie. Seulement voilà, vous l'avez dit, en Méditerranée, l'hiver n'est pas si rigoureux qu'en Lorraine. Oui. Bien que maintenant on peut toujours critiquer l'hiver qui a tendance à se laisser aller puisqu'il y a un réchauffement. On va dire ça. Comme ça, oui. Il n'empêche que là, vous nous annoncez des températures plutôt basses. Ah bah la nuit, oui. Et donc, ces plantes-là, elles craignent le froid. Alors, elles craignent en fonction des variétés. Entre, il y en a qui craignent le 0, il y en a qui craignent le moins 10. Mais bon, quand on passe en dessous, ça coince un petit peu. Donc, on va les rentrer. Et la première chose à faire lorsqu'on va les rentrer, c'est pour les protéger, évidemment, les protéger du gel. Le truc à trouver, c'est une pièce dans votre maison qui soit lumineuse, qui soit non chauffée et qui soit hors gel. Avez-vous ça chez vous ? Véranda, c'est bien. Oui. Vous achetez un olivier, vous construisez la véranda autour et vous êtes peinard. Donc pas de garage, par exemple. Ben, le garage, c'est quand on n'a pas le choix entre deux mots, c'est le moins pire parce qu'il est au moins hors gel. Ouais. Il est non chauffé hors gel, mais il n'a pas de lumière et pour certaines plantes, eh bien, on a le risque d'avoir les feuilles qui vont disparaître. Alors ça ne veut pas dire qu'il va crever, les feuilles perdent et tombent à cause du manque de lumière, mais la plante peut repartir. Entre deux mots, c'est le moins pire. Et puis après, l'idéal, c'est aussi de les laisser dehors tant qu'il ne fait pas froid, en mettant de la protection. Oui, vous, quand il fait froid, vous faites quoi au lit ? Vous mettez une couverture ? Oui, c'est vrai. Eh ben, c'est pareil. Il y a des voiles d'hivernage qui protègent d'environ 3-4 degrés la plante. Et donc, on va mettre ce voile d'hivernage autour de nos plantes méditerranéennes. Moi, quand j'ai très froid, je mets deux couvertures. On peut mettre deux voiles sur les plantes ? Oui. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ferme la fenêtre. Et donc là, ce qu'on fait avec les plantes, on ne va pas fermer la fenêtre, mais on va les mettre à l'abri du vent. Ça, c'est important. C'est une bonne idée aussi. Donc là aussi, parce qu'il y a la température ressentie pour les plantes, et là aussi, eh bien, quand on les met à l'abri du vent, eh bien, ça fait, y a moins de risques. Et ben voilà, comme ça on sait tout. Une, deux, trois couvertures, faut peut-être pas exagérer, mais quand même on a une bonne base là pour protéger ces plantes qui aiment la chaleur du sud. Merci à vous deux. Sur France Bleu Lorraine, voici Yannick Noah avec son titre engagé, hein, sur l'activiste Angela. 1968, l'Amérique est figée. Un ange proteste, les écrous sont rouillés. I'm black and I'm proud. Le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent. Un soir à Mexico, le rêve martyrisé de Martin Luther King. Une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine. Panthère noire traquée, le son d'intolérance. Cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh, échange de peau. Si le

de ça. S'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Nouvelle révélation pop hein, que vous entendez en duo avec Gaëtan Roussel, Adeline Lovaux hein, qui est à Metz et qui est en duo avec Gaëtan Roussel, extrait d'un nouvel album de duo qui sortira. Gaëtan Roussel a choisi les meilleurs pour l'accompagner dans ses duos et là vous venez d'entendre Crois-moi, donc un album qui sortira le 24 novembre prochain. À l'écoute de France Bleu Lorraine, Neil Young et la musique, cet immense talent américain de la pulp ou de la folk music plutôt, sera pas en concert samedi soir, mais un groupe lui rendra hommage. Tribute to Neil Young, ça sera samedi à Saint-Dié-des-Vosges et vos invitations seront à gagner dans un petit peu plus de 20 minutes maintenant sur France Bleu Lorraine. Voilà, mais c'est pas le seul événement dont France Bleu Lorraine est partenaire. Il y a plein de talents hein, qui passent par notre région. La preuve maintenant. France Bleu Sud-Lorraine vous recommande. La chanteuse Mentissa est en tournée et passe par Vittel. Elle est belge, hein, Mentissa, et après un passage dans The Voice Kids de son pays, elle débarque en France pour The Voice. Et bam, les quatre coachs se retournent. Elle ira jusqu'en finale, ne gagnera pas, mais devient la chouchoute de Vianney qui lui écrit une chanson, l'emmène avec lui pendant 6 mois sur sa tournée des Zéniths. La voici en tournée en solo avec son album La Vingtaine, que des petites salles pour mieux profiter d'elle. Mercredi 18 octobre, elle sera au Palais des Congrès de Vittel. La vie, c'est pas facile tous les jours. Alors une petite bulle tranquille, joyeuse ou bienveillante, ça peut faire du bien. France Bleu Sud-Lorraine, 10h-11h, bienvenue chez vous. Tous les jours, n'hésitez pas à passer un moment avec nous sur France Bleu. Pour le plaisir d'être gourmand avec les meilleurs chefs de la région, pour découvrir la Lorraine qui brille dans l'actualité ou cultiver nos racines en redécouvrant notre histoire. Offrez-vous votre joyeuse bulle de Lorraine chaque jour entre 10h et 11h sur France Bleu. Du 16 au 21 octobre, nos agences Mercier David de Saint-Dié, Épinal et Nancy vous ouvrent leurs portes pour découvrir nos menuiseries performantes et passer l'hiver tout en douceur. Nos fenêtres, baies vitrées et portes d'entrée PVC et aluminium vous garantiront une isolation thermique optimale pour améliorer votre confort, maîtriser votre énergie et réduire vos factures. Ce sont aussi les derniers jours pour bénéficier de notre offre spéciale, 100 euros offerts tous les 1000 euros d'achat sur tous les produits. Conditions de l'offre sur www.mercier-david.fr. Le 16-18 France Bleu Lorraine, Véronique Laure. Et retour sur le matin, sur la matinée de France Bleu Lorraine avec ce best-of de la quiche des champions que vous avez vécu avec nous en direct ce matin entre 11h et midi avec Jérôme Prodhomme. Pour le moment, voici le blind test. France Bleu Lorraine, la quiche des champions, le blind test. C'est le blind test de l'équipe des élus. Vous allez avoir 3 chansons, il faut les reconnaître en moins de 10 secondes. D'accord ? Ça, je vous ai un peu pris par surprise hein, parce que vous pensiez que j'allais coller ça au Guillaume puis que je viens de lui poser des questions. Eh ben non, il faut avoir un peu le sens du suspense dans ce jeu. Voici le premier extrait. Qui est-ce ? C'est pas Madonna, hein, je vous le dis, vu l'accent. Non, c'est une Française, ça. C'est l'horreur des filles qui crient comme ça. 4, 3... 2 Lara Fabian. Oui, Lara Fabian. C'est bien. 10 points. Un autre extrait pour 10 points. Ah, comment il s'appelle? Kinji Girac. Oui, c'est ça, bravo. 10 points de plus. La troisième et dernière. Elles sont fortes quand même, hein, là, les trois. Attention. Hein. Vous pourriez pas finir les conseils municipaux par un petit blind test pour se marier un peu de temps en temps. J'ai bien vu. On a le maire de l'Axou avec nous. Hein, on est mercredi, il est toujours test. Là. J'ai bien vu. Voilà. Au prochain conseil, ça se termine. Blind test. Par un blind test. Voici la troisième chanson à reconnaître pour 10 points. Gloria Gaynor. Ah non. Non. Elles sont plusieurs. Les Pointer Sisters. Non. C'est pas celle-là, c'est les autres. Enfin, je vérifie parce que tu connais bien un doute. Alléluia. C'est bien parce qu'elles connaissent les paroles au moins. Hein. Alors, est-ce que vous allez me trouver ça? 5, 4, 3, Ah bah non, on n'avait pas trouvé les Weather Girls. Oh, c'était difficile. Je vérifie parce que vous m'avez filé le doute. En même temps, les Weather Girls. J'ai pas internet, et donc peignant. Mais normalement, c'est ça. Hein. Mmh. C'est ça, on me confirme que c'est ça, c'est les Weather Girls, donc ça vous fera. Pas 10 points. C'est pas mal, deux bonnes réponses sur 3, c'était pas facile. D'autant vous avez vu qu'on a mélangé les époques et tout, hein. Donc bravo quand même. Alors ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 points pour les élus et 50 points pour les assos. Mais attention, les assos, vous avez un blind test de retard, hein. Donc il y a moyen de se refaire une cerise, comme on dit à l'Axou, dans quelques instants sur France Bleu. La quiche des champions. Sur France Bleu Lorraine. Et la suite, ça sera demain entre 10h et 11h, comme tous les jours sur France Bleu Lorraine. On joue. Si vous jouez, vous repartez avec des cadeaux sur France Bleu Lorraine. Voici Francis Cabrel maintenant dans le 16-18. À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent, puisque le jour se lève, la tempête s'achève en murmures brûlants. Il s'était perdu dans l'obscurité profonde, là les étoiles se fondent au jour apparaissant. Pas hésitant, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. Le souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent. Une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux l'égarement des oiseaux qu'on relâche et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Au moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige et faire semblant. Couvre de serments, se jure de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant, chacun séparément. Continuera le rêve, le seul qui les soulève et les garde vivants. C'est éternellement qu'ils se croyaient soudés, et même l'éternité pour eux s'est passée longtemps. Ils étaient deux passants. Anonyme foule, dans ce fleuve qui roule, dans la masse des gens. Ils se sont reconnus, un peu trop tard peut-être, mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant. Revenant, Francis Cabrel est sur France Bleu Lorraine. Et vous gagnerez vos invitations tout à l'heure pour aller assister à ce concert hommage tribute to Neil Young samedi soir à Saint-Dié-des-Vosges, juste après les infos. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoute et Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoute et Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Les gentils monstres et sorcières s'invitent au parc animalier de Sainte-Croix. Pendant les vacances de la Toussaint, Sainte-Croix met à l'honneur les créatures fantastiques et vous réserve des aventures monstrueusement amusantes. Nouveaux spectacles et jeux de piste, maquillage effrayant, repas des animaux avec des citrouilles. À Rhodes en Moselle, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, à 1h de Metz, Nancy et Strasbourg. Promotion web exclusive pour tout achat de billets en ligne. Conditions et réservations sur parcsainte-croix.com. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Lorraine. Et bienvenue à vous, oui franchement, bienvenue à cette heure-ci sur France Bleu Lorraine. On est ravis de vous accueillir pour les infos. Tout savoir ce qui se passe en Lorraine, c'est possible à 17h. Dans le ciel, on est entre 12 et 20 degrés actuellement. Oui, 20 degrés à Lunéville et Épinal, et puis 16 degrés sur Nancy, avec pas mal de nuages et de la pluie. Ça va d'ailleurs s'accentuer. On fera un point complet juste après les infos. Sur la route, des difficultés sur le rond-point Marcel Brault, mais Arthur Blanc va vous raconter tout ça. Dans les infos de France Bleu, Lorraine, et oui, c'est lui, Arthur Blanc, bonsoir. Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. Encore une série d'alertes à la bombe aujourd'hui en France. Oui, le château de Versailles a été évacué pendant 2 heures pour la 3e fois depuis samedi. Des aéroports également à Lille, Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse. Le contexte sécuritaire est délicat avec un niveau Vigipirate relevé à son niveau le plus élevé depuis l'attentat d'Arras vendredi. La présence des forces de l'ordre est donc renforcée. Mais les effectifs se disent lessivés avec tous les derniers événements, d'autant qu'il est difficile d'être partout. Selon Régis Péfer, secrétaire adjoint du syndicat Unité SGP Police FO en Meurthe-et-Moselle. Idéalement, c'est ce qu'on souhaiterait pouvoir faire, c'est-à-dire assurer la sécurité de tous les établissements scolaires. Malheureusement, comme je vous le dis, le manque d'effectifs fait que ça n'est pas possible. Et de toute façon, ça ne peut pas être un système qui va durer de manière pérenne. Il faudra réfléchir à l'après, puisque pendant que les effectifs sont en surveillance des établissements scolaires, eh bien, ils ne peuvent pas répondre aux autres sollicitations. Par exemple, s'il y a des appels 17, etc., des missions police-secours, voire des faits graves. Donc, on se rend bien compte qu'il va falloir aller chercher des solutions au-delà de la police nationale, qui toutefois est aussi là pour réagir rapidement. C'est ce qui a été fait à Arras. Les collègues sont intervenus en moins de 4 minutes. Mais il faut penser à l'après. Et d'ailleurs, dans ce contexte, la préfète de Meurthe-et-Moselle explique ce soir que 55 personnes radicalisées sont actuellement suivies en Meurthe-et-Moselle. La moitié est détenue en prison. 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour le Meusien vendeur d'animaux en paillé, jugé à Nancy dans le cadre du démantèlement d'un trafic d'animaux protégés. 2 de ses acheteurs, un Vosgien et un Mosellan, se sont vus retirer leurs spécimens. Les infos sont à lire sur francebleu.fr. Au Proche-Orient, le bilan continue de s'alourdir. 24 Français sont morts depuis l'offensive du Hamas en Israël le 7 octobre. Et la série de bombardements qui a suivi, 7 autres sont toujours portés disparus. Et attention, ça bouchonne ce soir dans le secteur du rond-point Marcel Brault à Nancy. Une intervention pas loin, boulevard Jean Moulin est en cours suite à une fuite de gaz en marge de travaux de sondage. Des sapeurs-pompiers et des agents de GRDF sont sur place. Le réseau d'internet haut débit à la fibre d'Orange, toujours perturbé à Nancy et Maxéville. 7 câbles ont été endommagés lundi après-midi pendant les travaux du futur trolleybus. 4 sont depuis remplacés. La situation devrait revenir à la normale vendredi dans la journée, selon l'opérateur. Le tirage au sort de la Coupe de France de foot a été effectué tout à l'heure depuis Thaon-les-Vosges. Là où les Vosgiens de 5e division ont éliminé la SNL le week-end dernier, le club de N3 se déplacera du côté de Fagnières dans la Marne pour le 6e tour, pendant que le SAS Épinal ira au Dintiche, tout au nord de la Moselle. À noter un petit duel, Vosges-Meurthe-et-Moselle, entre Éloy et Jarville. Les matchs auront lieu le dimanche 29 octobre. Vous retrouverez les affiches sur francebleu.fr. Et puis comme chaque année, les Alsaciens savent trouver ce qu'il y a de plus beau chez nous, en Lorraine. Le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg a été coupé ce matin dans la forêt de Bousson. En Meurthe-et-Moselle, c'est au nord de Pierre-Percée. 30 mètres de haut, 7 tonnes. On vous laisse des vidéos sur l'application ici. Qu'on voit exceptionnel, là. Hein. Ah, c'est un sacré convoi, effectivement, parce que le ramener jusqu'à Strasbourg, il y a de la route. Et en même temps, ils veulent venir chez nous. Voilà. Mais c'est normal, on a les plus beaux spécimens. Hein, on a, bah, évidemment. De tout, en plus. Est-ce qu'on a la plus belle météo? Je sais pas. C'est vrai que là, oui, c'est bien parce qu'on a besoin de pluie, c'est clair. Il en faut. Et elle arrive normalement, nous dit Météo France, avec ce risque de nuages et de pluie qui est annoncé par Météo France ce soir. Je ne sais pas si vous avez déjà de la pluie chez vous. Dans la métropole, sur la métropole du Grand Nancy, ce n'est pas encore le cas. On a actuellement 12 degrés à Gérardmer, 16 à Vitel et Nancy et 20 du côté d'Épinal. Avec la nuit prochaine, un temps assez nuageux qui va se développer jusqu'avant minuit. Il va pleuvoir, après ça va se calmer. On va rester avec une couche de nuages assez épaisse. Demain matin, un ciel plutôt chargé en nuages avec quelques éclaircies, mais très vite les nuages vont revenir. De plus en plus menaçants et des averses jusqu'à 20 mm de pluie sur le secteur de Pont-à-Mousson demain. On aura 10 à 12 au petit jour côté température et 17 à 19 au meilleur de la journée. Voilà monsieur Arthur. Voilà madame Véronique. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 18h sur France Bleu Lorraine. La météo 100% locale avec Mercier David, fabricant de menuiseries ultra isolantes posées avec soin. Et puis un petit point s'impose, effectivement, Arthur Blanc vous le disait dans les infos, hein, c'est la pagaille au niveau du rond-point Marcel Brault. Bonjour Lucia pour le PC Circuit du Grand Nancy, soyez la bienvenue sur France Bleu Lorraine. Allô Lucia? Oui, bonjour Véronique. C'est rien. Effectivement, boulevard Jean Moulin, il y a une intervention actuellement pour une fuite de gaz et ça crée pas mal de perturbations dans le secteur. Oui, et apparemment, il y en aura pour pas mal de temps, donc ce n'est pas encore gagné pour ouvrir la circulation. Donc là, ça remonte bien sur la M674, donc du rond-point Marcel Brault jusque par des expositions. Là, c'est très, très, très chargé. Et également le pont du Millénaire, très chargé, les gens roulent au ralenti. Entre le rond-point de Tomblaine et le rond-point Marcel Brault, en fait. Hein. Voilà. C'est ça. Avec répercussions quand même un peu aussi sur la rue Marcel Brault, faut dire ce qui est. Hein. Oui, un peu, mais c'est moins impacté. D'accord. Mais effectivement, il y a encore un peu de monde à ce niveau-là aussi. Sinon, pour le reste, c'est mercredi, c'est pas trop mal. Au centre-ville, ça circule plutôt bien. Un peu de monde, secteur gare, donc les endroits habituels, hein, rue Stanislas, un petit peu le pont Foch. Sinon, ça va. Eh ben super, merci pour toutes ces infos. À tout vite sur France Bleu Lorraine, après 18h notamment. D'autres infos routes, avec notamment la 33 à hauteur du Chute Brabois dans le sens Nancy-Lunéville, qui est un peu chargé à cette heure-ci, mais c'est pas le grand soir non plus. Hein. C'est la seule difficulté que je vois sur les autoroutes. Partout ailleurs, c'est au vert et c'est tant mieux. Bonne route avec nous. Le 16-18 France Bleu Lorraine, Véronique Laure. Et vos invitations dans les meilleurs spectacles de la région avec maintenant Saint-Dié-des-Vosges et l'espace Georges Sadoul et ce tribute à Neil Young samedi soir. I've been to Hollywood. Un artiste engagé, l'américain qui fait de la musique folk, hein, qui a beaucoup marqué bien sûr les années 60. Et ce groupe programmé par l'association La Chapelle Saint-Roch du côté de Saint-Dié-des-Vosges. Ils sont pas peu fiers d'avoir rencontré les Noise, inspirés par Neil Young, qui seront en concert à 20h à l'espace Georges Sadoul. 03 83 36 20 20 pour repartir avec vos invitations. C'est toute une époque du rock qui vous tend les bras maintenant sur France Bleu Lorraine. The Noise reprennent Neil Young et vos invitations maintenant. Allez, jouez avec nous. Ah, les rockers sont gâtés. Dites-moi sur France Bleu Lorraine, non seulement on vous invite à ce tribute et ce concert hommage à Neil Young, mais en plus on vous passe les Rolling Stones et Start Me Up sur France Bleu Lorraine. C'est toute votre vie qui défile là maintenant sur France Bleu. Me Up avec les Rolling Stones sur France Bleu. Lorraine, Sophie est avec nous maintenant sur France Bleu. Depuis Benet, vous avez joué avec nous pour aller voir ce tribute Tounel Young samedi soir à l'espace Georges Sadoul. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bon, ça fera un petit peu de route depuis Benet, hein. Benet ou Benet d'ailleurs, on dit, je sais alors, pas trop. Benet, au sud de Flavigny-sur-Moselle, là, c'est ça, hein. Oui, tout à fait. Eh oui, fait. Vous allez prendre la Nationale 57, et puis vous allez filer. Ah non, vous allez filer à Saint-Dié, vous allez couper comme ça, là, hein. Pour aller. J'ai même l'idée peut-être d'offrir à mes parents qui habitent tout près de Saint-Dié-des-Vosges et qui m'ont bercé à Neil Young quand j'étais petite. Ah, c'est cool ça. Ah, j'espère. Et eux, ils sont à Braille. Ah, j'espère qu'ils écoutent pas et que vous pourrez leur faire la surprise. J'espère. Ah bon, bah voilà, deux invitations pour vous, super. Oui, c'est une voix quand même assez inoubliable, hein. C'est clair. Hein, c'est la même mouvance que Bob Dylan, Green Moonlight, voilà. C'est ça, toute la folk musique, l'esprit un petit peu 68ard, donc, dans la maison, Sophie, alors, avec les parents. Tout à fait. Ah, bah, c'est cool. Eh ben, merci d'avoir joué avec nous, bonne soirée, et à très très vite sur France Bleu Lorraine, ça marche? Merci France Bleu. Restez fidèles et on passe aux coulisses TV avec Patrice Gascoigne comme chaque jour à cette heure-ci. Aujourd'hui, gros plan sur le retour de l'excellente série policière de France 2, Les Invisibles. Les Invisibles sont de retour pour une saison 3 ce soir sur France 2. Dans la profusion des séries policières, celle-ci ne la manquait pas. Les Invisibles, primé au festival Sériemania, a reçu le prix de la meilleure série policière pour sa qualité, sa crédibilité. Prix décerné par les professionnels de la sécurité intérieure. Si vous la connaissez pas, Les Invisibles, c'est une brigade. Une brigade qui est sollicitée pour des crimes laissant des corps sans identité, des corps que personne ne semble rechercher. Eh bien, la mission de cette brigade est de comprendre qui est cette victime et aussi comprendre qui l'a tuée. Et ils n'ont que 7 jours, le délai légal, pour répondre à ces questions. Le héros à la tête de cette brigade, c'est le commandant Darius, joué par le comédien Guillaume Cramoisan. Je lui ai demandé s'il avait conscience de jouer dans une série policière pas complètement comme les autres, Guillaume Cramoisan. Cette série, dont le canevas est certes un canevas policier avec des enquêtes, avec tout ce qu'il faut pour honorer un petit peu le genre policier, mais moi je trouve que ça dépasse le cadre policier pour toucher un peu plus comme une forme d'humanité en fait. C'est plus pour moi une série humaniste que policière, parce qu'on a affaire à des protagonistes récurrents, à des héros entre guillemets, qui sont pas écrasés sous une couleur de testostérone en fait. C'est plus des personnages qui cheminent, qui cherchent avec leurs erreurs, leurs peines, leurs joies, avec ce qu'ils sont. Ça donne un ton particulier en termes d'écoute, de présence au sein de ces quatre-là et vis-à-vis des gens qu'ils doivent côtoyer au cours de leurs enquêtes. Guillaume Cramoisan à propos de cette série policière, mais pas que, qui fait l'unanimité, Les Invisibles, ce soir sur France 2, et qui va commencer par un coup de pression sur le commandant Darius, joué par Guillaume Cramoisan. Il reçoit de la visite, ambiance. On peut se parler ? Allez-y, je vous écoute. Hein. Fatiguez pas avec le rapport, dites-moi directement leur conclusion, ça va aller plus vite. Hein. L'IGPN traîne. On n'est pas venu pour ça, Darius. Vous reconnaissez cet objet ? Non, je devrais. Et cet homme ? Non plus. On l'a retrouvé près du vieux château à Lambersart. Le crâne fracassé. Il avait cette poupée dans la poche de sa veste. Elle a l'air mignonne, cette histoire de petite poupée. Elle a assassiné comment ? On a retrouvé votre ADN dessus. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi l'ADN de ce Darius est-il sur cet objet ? La réponse avec Guillaume Cramoisan et toute cette équipe dans Les Invisibles ce soir sur France 2. Ouais, c'est noté. On sera devant le petit poste de télévision. Merci beaucoup, Patrice, avec France Bleu Lorraine. Alors, on a fait le concert de Neil Young samedi soir. Maintenant, on a autre chose à vous proposer sur France Bleu. C'est le cinéma. Ouais. Ça sera après 17h30, comme chaque jour. On vous invitera à l'avant-première d'une nouvelle comédie. Ça s'appelle Chasse-gardée, à l'affiche Didier Bourdon, entre autres. Et on vous offrira vos invitations dans un peu moins d'une demi-heure maintenant sur France Bleu Lorraine. Et puis, il y a de gros événements à ne pas louper dans la région, surtout si vous êtes amateur de bière. Les coups de cœur de France Bleu Sud Lorraine. Gros week-end en vue dès ce vendredi à Nancy pour les amateurs de bière, avec d'abord le salon des brasseurs vendredi et samedi de 10h à 18h pour les professionnels et pour ceux qui veulent se lancer dans la bière. Et puis la fête des bières, événement festif samedi soir à partir de 18h30 et dimanche toute la journée la fête des bières pour découvrir des produits. La passion aussi est le savoir-faire des brasseurs artisans issus de tout le territoire français dans une ambiance conviviale ponctuée de bonne humeur et d'énergie. Eco-cup offerte à toutes les participants, navette gratuite et éthylotest sur place. Rendez-vous au parc des expositions de Nancy. Tout le monde fait des tutos.

Alicia Keys sur Empire State of Mind sur France Bleu. Lorraine, allez lancer le tapis 100% sport. Bonsoir à tous. Laurent Pilloni est dans la place entre 18h et 19h. D'un pas décidé. Hein. Ah ben oui, là on sent que vous êtes déter à fond. Il y a des matchs ou quoi cette semaine? Il y a des matchs, oui. Ah, il y a quoi? Il y a qui joue? Alors, il y a eu déjà un match hier soir pour le ah, Stud oui qui s'est qualifié en Coupe de France dans la douleur à Mulhouse. Bah. Ah bah on a quand même gagné, ah bah 103 à 98. Alors ah ça ouais démontre aussi quelques difficultés pour le Stuc à jouer. Pourquoi loin de gentil. Bah 103 à 98. Oui, mais contre une équipe qui est inférieure. Ah, ça vous plaît ça... pas. Ouais, non, mais au-delà de ça, parce que depuis le début de saison, le Stuc justement n'a pas encore performé à l'extérieur. D'accord. C'est la question de ce soir. Okay. Par rapport à Gentilly, c'est justement pour cela qu'on met le sujet sur la table ce soir avec nos invités. Il n'hésite pas à mettre les sujets sur la table. Évidemment. Bon, le SLUC, le foot 100% SNL. Au programme, ce soir, cet effectif, on ne sait pas ce qu'il vaut exactement. Parce qu'il est capable de réaliser une belle perf contre le Red Star, qui est premier du groupe en national, en championnat. Et puis cet effectif va perdre à Thaon-les-Vosges contre une équipe de National 3. Ouais, alors ça, on a du mal à s'y retrouver. On ouais en parlera aussi ouais tout à l'heure entre 18h30 et 18h35 et 19h. Puis dans 100% sport, gros plan ce soir sur le Cristal Laser Open. Ah. Ça se passe à Villers-les-Nancy. Ça vous fait sourire, mais c'est non, un... Non, mais un tournoi de laser? Non, pas du tout. C'est un tournoi de tennis. Ah, de tennis, voilà, d'accord. Mais attention, c'est quand même soutenu par la Fédération Française de Tennis. Ça veut dire qu'il y a trois tournoi de ce genre en Lorraine, à Forbach, Sarreguemines et Villers-les-Nancy, qui permet tout simplement de voir évoluer les futurs champions. Ah. On a par exemple quelques joueurs qui sont passés par ce tournoi à Villers-les-Nancy mm-hmm depuis quelques années, qui seront aujourd'hui dans le classement ATP sur le circuit mondial. On en parlera tout à l'heure avec Cédric Schwederle, qui est président du comité de Meurthe et Moselle de tennis. Et qui connaît peut-être donc le futur Yannick Noah. Parce qu'on l'attend. Ah bah, qui sait? On l'attend. Qui sait? Hein, c'est ça, c'est hein, vrai, j'ai tu as raison. Compris, c'est vrai, hein, tu as raison. Ouais. Allez, super Lolo, vivement tout à l'heure après 18h pour 100% sport sur France Bleu. Lorraine, nous d'ici là, on ira au cinéma avec Didier Bourdon qui est de retour dans la comédie Chasse gardée et vos invitations à gagner sur France Bleu. Lorraine, ça sera vendredi prochain. Et le théâtre de Lunéville qui nous rejoint dans un instant, Bobby, pour parler d'un spectacle samedi soir. Un imitateur, oh, vous le connaissez sans doute. On en parle sur France Bleu Lorraine dans moins de 5 minutes. Les idées sorties de France Bleu Sud Lorraine. Le scénographe Lorrain Damien Fontaine est de retour avec une nouvelle création autour cette fois-ci de Saint-Nicolas. Grand pro des spectacles numériques immersifs mêlant son, image et lumière, il vous donne rendez-vous à Neuchâteau du 23 octobre au 11 novembre en l'église Saint-Nicolas. Deux représentations tous les soirs à 19h et 20h45. Sur scène, plus de 80 comédiens, 20 projecteurs vidéo pour créer une architecture de lumière 3D animée. Au-delà de la légende, c'est toute la vie de Saint-Nicolas que vous allez découvrir. France Bleu, c'est votre radio en Lorraine. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Lorraine, ici, on parle d'ici. Et nous sommes avec vous, effectivement, sur les routes de Lorraine tous les jours à cette heure-ci. Bon, c'est un peu l'heure de pointe en général. Alors, avec cette difficulté que l'on suit depuis 16h tout à l'heure, puisqu'il y a une intervention dans la métropole du Grand Nancy, du côté du boulevard Jean Moulin, intervention sur une fuite de gaz, ce qui crée une grosse pagaille au niveau du rond-point Marcel Brault. Donc, le sens entrant, quand vous arrivez de Richard Ménil, d'Oudemont, là, pour aller ensuite vers Tomblaine, laissez tomber. C'est très compliqué, vous roulez au pas tout le long du rond-point Marcel Brault en direction de Tomblaine, et puis toutes les rues alentours sont impactées. L'intervention à rue du côté du boulevard Jean Moulin et la rue Marcel Brault aussi est impactée. Quand vous arrivez de Tomblaine aussi vers Marcel Brault, c'est chaud, c'est rouge, rouge, rouge. Ça, c'est une difficulté depuis plus d'une heure et demie. C'est un fait. Sur la 33, il y a du monde aussi. Circulation assez dense, pas d'accident, mais enfin, quand vous arrivez de Metz et que vous plongez ensuite vers Lunéville, c'est déjà là que vous êtes au ralenti, au niveau de l'échangeur à 31 à 33, là, et tout le long de la 33, en direction de Lunéville, trafic très dense ce soir. Je n'oublie pas aussi cette journée de chantier, mais ce n'est qu'un chantier, c'est pas un accident. Ça passe, sur la Nationale 57, à hauteur de Jarménil-Pouxeux, dans le sens Nancy-Épinal. Nationale 57, bien rouge à cette heure-ci. Bonne route avec nous. L'infotrafic 100% local, avec Décor Jardin Champenoux, horticulteur lorrain depuis 60 ans, de fleurs, plantes, légumes et arbustes, à découvrir sur décorjardin.fr et en magasin. Et à Lunéville, justement, au bout de la 33, quand on quitte Nancy, c'est là qu'on s'arrête ce soir, au théâtre de Lunéville, avec son directeur, David Fiorletti, sur France Bleu Lorraine. Pas toujours simple de relier Lunéville quand on est depuis Nancy, David. Je sais pas si vous faites souvent le trajet sur la 33. Effectivement. C'est pas toujours facile. Mais on arrive. Voilà, et le samedi soir, pour vous rejoindre en général au spectacle, ça ne bouchonne pas trop sur l'autoroute. C'est assez facile de joindre Lunéville en 20 minutes quasiment. On y est pour découvrir votre théâtre complètement rénové il y a 2 ans maintenant. Il y a un peu plus longtemps, là on vient de finir des travaux puisqu'on a rénové une grosse partie de la toiture, ce qui fait qu'on commence la saison un peu plus tard et on vient d'enlever aujourd'hui les chauffages. D'accord, donc ça y est, c'est fini, voilà. Tout est fini, il est tout beau, tout neuf, tout beau. Exactement. Avec effectivement cette programmation que l'on découvre avec vous. Vous recevez celui que vous avez vous-même choisi samedi soir, puisque vous êtes le programmateur de cette scène de théâtre très populaire du côté de Lunéville, place à Marc-Antoine Lebret. Alors, on ne parlera pas de ses activités sur les autres radios concurrentes. Oui, non, mais bon, c'était aussi une des grandes voies d'imitation des guignols de l'info, par exemple, qui est quand même gage de qualité sur l'artiste et sur ses imitations, puisqu'il fait plus de 90 voix. Et le spectacle que j'avais eu l'occasion de programmer, moi, déjà l'année dernière, dans la salle où je m'occupais avant. Et le spectacle, il évolue effectivement toujours en fonction de l'actualité. Il y a des voix qui apparaissent, qui disparaissent. Donc on ne verra pas le même spectacle cette année que l'année dernière. Le spectacle s'appelle Solo, vous savez pourquoi ? Ben parce que du coup, c'est un rapport avec le fait qu'il soit seul en scène et qu'il ait en même temps en lui 90 personnages. Oui, seul sur scène, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière. Cette tradition des imitateurs en France, ça perdure ? Ça se perd un peu ? Ça perdure, si mes souvenirs sont exacts, ça date des années 80, c'était l'explosion des imitateurs, c'était la grande période, après relayée par la télé avec les guignols. C'est un petit peu retombé. Après, on a des grands, grands imitateurs comme Laurent Gérard ou Nicolas Canteloup. Mais Marc-Antoine Lebret, c'est le seul qui est encore en activité dans les salles de spectacle pour le moment. Donc, c'est une tradition qui perdure, puisque à chaque fois que qu'en France, on a un nouvel humour qui apparaît, il se maintient, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas complètement en désuétude. Et il y a encore des places pour aller l'applaudir donc samedi soir à 20h30 au théâtre de Lunéville. On parle un petit peu des vacances parce que je vois que les visites guidées en famille pour le théâtre sont complètes le mercredi 25 octobre. Oui. Le samedi 11 novembre, il y a Djal aussi, c'est complet. Mais c'est complet, oui. Pour le petit chaperon rouge le 8 novembre prochain, c'est pour les familles ? C'est pour les familles, ouais. C'est un très très beau spectacle. Moi, j'ai déjà eu l'occasion aussi de programmer. Très rock'n'roll, punchy. C'est le grand méchant loup qui devient un peu heureux. Et c'est le petit chaperon rouge qui devient un super héros. Donc, ça inverse complètement les rôles. Et c'est une très très belle compagnie belge qui fait toujours de belles productions. Donc là, c'est encore ouvert. Il y a déjà beaucoup de réservations pour ce mercredi 8 novembre. Mais il y aura d'autres choses. En mois de décembre, il y aura une journée entière consacrée à l'enfance le mercredi 20 décembre avec un spectacle qui sera joué deux fois, des ateliers. Il y aura la possibilité de se rattraper. D'accord, ok. Bon, on note en tout cas le théâtre de Lunéville.fr pour retrouver toute votre programmation. Voilà. On a été ravis de vous accueillir ce soir sur France Bleu Lorraine et on vous souhaite une bonne fin de journée. Lunéville, pensez. Hein, il faut penser à aller au théâtre. C'est une programmation vraiment grand public que vous développez. Oui, et puis c'est un très très beau théâtre à l'italienne, c'est pour ça ce qui explique que les visites soient souvent complètes. D'accord, un bel endroit à Lunéville où vous nous écoutez sur 100.5. À tout vite. Le 16-18, France Bleu Lorraine. Wang Chung avec Dance All Days sur France Bleu Lorraine. Et puis juste après, le cinéma avec les sorties. Bah oui, on est mercredi, hein, y a de nouveaux films à découvrir et vos invitations à gagner comme chaque jour sur France Bleu Lorraine. Le collecteur du jour, ça sera avant 18h, ça sera qui ce soir? Oh, Céline Dion. Take your baby by the hand. Make it do a handstand. And take your baby by the heel. And do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true, I said. Dance all days long. Take your baby by the hair. Pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears. And play upon her darkest fears. So in phase, in a dance all days, we were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true, I said. Dance all days, love. By the wrist, and in her mouth an amethyst, and in her red to sapphire blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. And you need her. And she needs you. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share what was true. Oh, I said. Dance all day long. Dance all day long. Dance all day long. Chung sur France Bleu Lorraine, les années 80 et le cinéma qui vous tend les bras. France Bleu Lorraine aime le cinéma. Oui, on suit un petit peu l'actualité du cinéma et on vous propose de découvrir ce film en avant-première avec Didier Bourdon de retour sur les écrans, Thierry Lhermitte aussi pour Chasse gardée. Le film sortira au mois de décembre prochain. Vos invitations pour découvrir dans un village sans histoire une maison de rêve en pleine nature. De nouveaux propriétaires débarquent mais se rendent compte que leurs voisins qui avaient l'air si sympathiques utilisent leur jardin comme terrain de chasse. La guerre est donc déclarée et tous les coups bas sont permis dans cette comédie avec Didier Bourdon et Thierry Lhermitte, à voir vendredi prochain à l'UGC Ciné-Cité de Ludre. Vos invitations maintenant au 03 83 36 20 20. Bonne chance à vous. Et puis à découvrir parmi les sorties de ce mercredi le dernier nouveau film de Martin Scorsese, le réalisateur américain qui réunit ses deux acteurs fétiches à l'écran, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Dans ce film qui va vous plonger au XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage, les Amérindiens. Et les richesses de ces Amérindiens attirent la convoitise des Blancs peu recommandables. Les Osages, ils se sont retrouvés avec les pires terres au monde. Et ils ont été plus malins que tout le monde. C'était des champs pétrolifères, l'or noir. L'argent du pétrole coule à flot dans le coin. J'adore l'argent, monsieur. Cette manne coule dans la bonne direction. Et voilà, l'heure est venue. La convoitise des Blancs qui, effectivement, volent, soutirent de l'argent aux Osages avant de recourir au meurtre. C'est un thriller, un drame historique que vous allez découvrir. Le nouveau film de Martin Scorsese qui est sorti sur les écrans aujourd'hui et qui s'appelle Killer of the Flower Moon sur France Bleu Lorraine. On part au cinéma tous les jours et on vous invite tous les jours à cette heure-ci. Pour la musique, Nuit incolore et dépassé, jeune talent francophone. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Tarder les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. D'exister mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. J'suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. issu de la culture hip-hop. Hein. Il s'appelle Nuit Incolore et c'est Dépassé que vous venez d'entendre sur France Bleu Lorraine. 100% sport, ça sera après 18h sur France Bleu Lorraine avec toute l'actualité du SLUC, de l'ASNL et puis des nouvelles aussi dans le monde du tennis avec un tournoi à suivre. Oui, vous découvrirez tout ça tout à l'heure sur France Bleu Lorraine. Et puis après 19h, votre invité ce soir, Vincent Delerme, il participe à un nouvel album qui sortira bientôt, hommage à William Scheller. Il sera l'invité d'Émilie Mazoyer tout à l'heure entre 19h et 20h sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, bonjour, Amélie à votre service. Une difficulté sur votre trajet, un accident, un véhicule en panne, un objet sur la chaussée, des problèmes de visibilité. Vous appelez pour la route, vous êtes sur la 33? Appelez-nous en direct à tout moment de la journée au 03 83 36 20 20. Ne quittez pas, vous allez partager votre info à l'antenne. Vous avez la priorité, vous êtes nos yeux sur la route. La communauté France Bleu vous dit merci. Les gentils monstres et sorcières s'invitent au parc animalier de Sainte-Croix. Pendant les vacances de la Toussaint, Sainte-Croix met à l'honneur les créatures fantastiques et vous réserve des aventures monstrueusement amusantes. Nouveaux spectacles et jeux de piste, maquillage effrayant, repas des animaux avec des citrouilles. À Rhodes en Moselle, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, à 1h de Metz, Nancy et Strasbourg. Promotion web exclusive pour tout achat de billets en ligne. Conditions et réservations sur parcsainte-croix.com. Du 16 au 21 octobre, nos agences Mercier David de Saint-Dié, Épinal et Nancy vous ouvrent leurs portes pour découvrir nos menuiseries performantes et passer l'hiver tout en douceur. Nos fenêtres, baies vitrées et portes d'entrée PVC et aluminium vous garantiront une isolation thermique optimale pour améliorer votre confort, maîtriser votre énergie et réduire vos factures. Ce sont aussi les derniers jours pour bénéficier de notre offre spéciale, 100 euros offerts tous les 1000 euros d'achat sur tous les produits. Conditions de l'offre sur www.mercier-david.fr. France Bleu Lorraine aime le cinéma. Oui, elle vous invite à cette avant-première Chasse gardée vendredi prochain. Didier Bourdon, Thierry Lhermitte à l'écran pour cette comédie. Hein. Soyons francs, Sylvie, vous allez passer un bon moment. Bien. Hein, c'est bien ça. Oui, bien sûr. C'est tout ce qu'on veut en ce moment. Hein. C'est passer un bon moment, Sylvie. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Avec, je vous entends un petit peu loin. Le 27 octobre, j'ai un petit doute si c'est vendredi ou si c'est samedi prochain. Je vérifie quand même parce que j'avais. Samedi prochain. Attendez, on sort le calendrier. Vendredi prochain, d'accord. Vendredi prochain, bah voilà. C'est parfait. Voilà. Je sais pas. Vous êtes en vacances. Vous, c'est fini l'école à la fin de la semaine, là, Sylvie. Ah ben bien sûr. Vous avez bien travaillé. Maintenant, vous allez partir en vacances pendant 15 jours, d'accord. Voilà. Donc, c'est le vendredi 27. Voilà, exactement, à 20h, à l'UGC Ciné Cité de Ludres, d'accord. D'accord. Bon, ben voilà, Thierry Lhermitte, il vient souvent dans la région en ce moment, Thierry Lhermitte, notamment du côté... Oui, puis il est agréable. Ouais, très. Il vient souvent du côté de la ferme du Ménil-Saint-Michel à Flavigny-sur-Moselle, parce qu'il adore les chevaux, et voilà, il les connaît bien, donc voilà. Bon, ben voilà. Ah ben oui. Eh ben écoutez, bonne avant-première, merci d'avoir joué avec nous, Sylvie, à très vite. Merci beaucoup. Bonne au soirée. Revoir. Le 16-18, France Bleu Lorraine. Et Walk Like an Egyptian, ça aussi c'est un son emblématique, une chanson emblématique des années 80 avec bah, les Bangles, bien sûr, dans le 16-18 de France Bleu Lorraine. Et juste après, on a rendez-vous avec Céline Dion. Egyptian.

magnifique chanson pour se quitter ce soir et accueillir Laurent Piloni, Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Laurent, pour oui. le 100% sport, d'après 18h sur France Bleu, fini les bons sentiments. Hein, on y va sur les résultats, le sport, l'effort. La performance. Ah oui, à fond. On parlera du Stuc Nancy Basket. Alors, cette équipe du Stuc qui nous montre un très très beau visage à domicile et qui, à l'extérieur, semble un petit peu plus emprunté. Alors, est-ce seulement une question de temps? On évoquera tout cela avec nos invités. Et au programme aussi 100% sport, 18h30, on parlera de tennis. C'est ce fameux tennis, ce tournoi de tennis, pardon, organisé à Villiers-les-Nancy en ce moment jusqu'à dimanche. Eh ben, ça marche. Bonne soirée, c'est Lolo. Tout. Et à demain, 16h sur France. J'ai rien dit. Mais ça vient, ça vient. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La nostalgie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalgie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La nostalgie de Patrick Sébastien, un récit à savourer, un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Lorraine. Excellente soirée, merci de nous recevoir chez vous. 100% Slux, 100% sport et 100% SNL, c'est à venir. D'ici quelques instants. Il est donc 18h, dans quelques instants les infos avec Arthur Blanc. Juste le temps de revenir sur vos conditions météo pour ce soir. Météo France avait annoncé une soirée un peu pluvieuse que celle que nous avons connue ces derniers jours. Ce sera le cas puisque la pluie arrive. Météo France annonce des précipitations dans le courant de la soirée et dans le courant de la nuit. Demain, jeudi, le matin, le ciel sera partagé entre nuages et quelques éclaircies et le temps deviendra progressivement plus nuageux. Les températures, demain après-midi, 17 à 19 degrés, demain matin, comprises entre 11 et 12 degrés. Bonsoir Arthur Blanc. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. C'est la troisième fois que ça arrive depuis samedi. Oui, le célèbre château de Versailles a été vidé de ses touristes pendant 2 heures ce mercredi à cause d'une fausse alerte à la bombe. Les aéroports ont également connu la même journée à Lille, Strasbourg, Lyon ou encore Toulouse. Conséquence du niveau le plus élevé de vigipirate déclenché après l'attentat d'Arras vendredi. C'est d'ailleurs depuis ce moment-là que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé au préfet d'examiner tous les cas de radicalisation. En Meurthe-et-Moselle, la préfète Françoise Soliman le fait chaque semaine en compagnie des renseignements et des forces de l'ordre. La cellule pour la radicalisation, elle se réunit une fois par semaine et elle suit les cas des personnes qui sont inscrites au fichier que l'on nomme FSPRT, qui permettent d'évaluer, de suivre ces personnes. Au moment où nous parlons, combien de personnes sont suivies dans notre département ? Il y en a 55. Dans ces 55, nous en avons à peu près la moitié qui sont fournis par les centres de détention qui sont situés en Meurthe-et-Moselle. Il y a des femmes, des hommes, il y a des étrangers, il y a des Français. C'est, j'ai envie de dire, représentatif d'une société. Et donc, chez nous, nous avons à peu près une quinzaine de personnes à la fois en situation régulière et en situation irrégulière. Pour ceux qui sont en situation irrégulière, évidemment en respectant les règles de droit, mais c'est des expulsions. Et pour ceux qui sont en situation régulière, examiner au cas par cas s'il ne faut pas dégrader leur titre de séjour et donc pouvoir les expulser aussi. Propos recueillis par Mande de Chibani. Des images aériennes et des communications des États-Unis mettent hors de cause Israël. dans la frappe sur un hôpital de Gaza hier, responsable de la mort de 200 personnes. Joe Biden, le président américain, pointait du doigt tout à l'heure un groupe terroriste allié du Hamas dans ce drame, groupe qui a démenti. De l'aide humanitaire a quand même pu entrer dans la bande de Gaza via l'Égypte, alors que le bilan s'est encore alourdi depuis l'offensive du Hamas il y a 11 jours. 24 Français sont morts et 7 sont toujours portés disparus. Pendant ce temps, le Conseil d'État annonce que les préfectures devront autoriser au cas par cas des manifestations pro-palestiniennes. L'une d'entre elles avait été interdite à Nancy, c'était lundi soir. Le responsable d'un trafic d'animaux protégés écope d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Oui, un Meusien a été jugé à Nancy pour avoir vendu des spécimens empaillés, récoltant jusqu'à 10 000 euros par mois. Deux de ses clients, un Vosgien et un Mosellan, ont de leur côté perdu leur collection confisquée par le tribunal. Pour la 13e fois, Elisabeth Borne a utilisé tout à l'heure l'article 49 alinéa 3. Cette fois-ci, elle engage la responsabilité du gouvernement sur la partie recette du projet de budget pour 2024. Dans la foulée, la France Insoumise et le RN ont déposé une motion de censure. Circulation très délicate ce soir aux alentours du rond-point Marcel Brault à Nancy. Le boulevard Jean Moulin, juste à côté, est bloqué par une intervention des sapeurs-pompiers et de GRDF en train de réparer une fuite de gaz déclenchée sur des travaux de sondage. À Nancy et Maxéville, les 1400 clients d'Orange perturbés depuis avant-hier n'ont pas encore tous retrouvé la fibre. L'Internet à haut débit, le retour complet à la normale interviendra vendredi. Selon l'opérateur, 4 des 7 câbles endommagés sont depuis remplacés. Mais cette fois, c'est à moi et je vais parler des bonbons, mon cher Arthur Blanc, dans 50 jours, distribution géante de bonbons donc à Nancy. Eh oui, le Saint-Nicolas fera sa tournée pour les enfants sages. Je ne sais pas si vous en êtes un, Laurent. Oui. Ça sera le 9 décembre. Il sera précédé, Saint-Nicolas, par de nombreux chars. Cette année, le thème, le 18e siècle. Et des communes ont déjà plein d'idées, comme à Saint-Max, Lisa Villy. Fonce des angles vifs sur le polystyrène. Dans le hangar de l'atelier municipal, le char est en chantier. Eric François est technicien à Saint-Max. Ça ressemble à une frégate et on va peindre aux couleurs la marine royale du 18e. Et pour les matériaux, on peut utiliser du bois, on peut utiliser du carton, du polystyrène, du grillage à poule, du papier mâché, enfin, toutes les techniques sont utilisées. Du fait main avec 1200 euros de budget et pas mal de recyclage. On essaye d'utiliser des tourées, des poubelles, des lattes de banc, c'est sympa de s'amuser à tout réassembler, à retransformer comme ça. 2 mois et demi de travail sont nécessaires à la petite équipe. Je vais construire, hein, ça va relativement vite une fois qu'on a fait les plans. Mais après, il y a tout l'aspect déco et l'ajout de détails. En fait, ça prend pas mal de temps. Aux côtés des deux techniciens, un ancien, Daniel Leclerc, désormais retraité, il est venu prêter main forte. Ça fait à peu près mon 32e char. Ça s'apprend au fur et à mesure des années. On entend les gens qui s'exclament « Ah, c'est beau, ceci, cela ». Ça fait toujours plaisir. Hein. Ce travail de création change du quotidien du métier, Xavier Gebauer. Il va défiler. Donc finalement, on montre notre création. On a envie que ça plaise au public et aux enfants surtout. Pour venir admirer la frégate, le rendez-vous est donné samedi 9 décembre. Et on pense à Saint-Nicolas, on commence aussi déjà à préparer les fêtes de fin d'année. Comme chaque année, le sapin du célèbre marché de Noël de Strasbourg, vieux de plus de 500 ans, est coupé chez nous, en Lorraine. Ça a été fait ce matin à la forêt domaniale de Bousson. On n'est pas loin du lac de Pierre-Percé. Les vidéos sont sur francebleu.fr. Sur notre site, vous retrouverez également les affiches des clubs sud-lorrains, toujours engagés en Coupe de France de foot. 2 déplacements à venir pour le SAS Épinal et Thaon, respectivement au Dintiche en Moselle et à Fagnières dans la Marne. Et puis un beau choc à noter entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, avec le déplacement de Jarville à Éloy. Ça sera le dimanche 29 octobre. Bon, la météo, Laurent, avant de reparler oui, de sport pendant une heure avec vous, c'est assez pluvieux hein, sur la Lorraine. C'était annoncé, hein, selon Météo France, que cette perturbation gagnée du terrain, c'est ce que nous aurons cette nuit et notamment depuis maintenant quelques minutes, c'est ce que l'on connaît, hein, ouais. Petite pluie fine sur Nancy et la métropole, une petite pluie qui va s'intensifier au fur et à mesure. Demain, journée assez mitigée avec nuages et pluie au menu selon Météo France, les températures allant jusqu'à 18-19 degrés demain après-midi, 11-12 pour le matin. Voilà Arthur Blanc. Eh ben merci Laurent. Belle soirée. Belle soirée à vous, bonne émission. Merci beaucoup, prochain point sur l'info, 19h. La météo 100% locale avec Mercier David, fabricant de menuiseries ultra-isolantes posées avec soin. Un coup d'œil sur vos conditions de circulation avec Lucia au PC Circulation du Grand Nancy. Bonsoir Lucia. Bonsoir Laurent. Comment ça roule à Nancy dans le Grand Nancy? Alors, on a quelques difficultés au niveau du rond-point Marcel Brault, donc dans la rue Jean Moulin. qui est actuellement fermée à la circulation à cause d'une fuite de gaz. Et bon, ça va durer un moment. Donc là, la circulation remonte jusqu'au parc des Expos sur la M674. Donc c'est très très chargé, très compliqué ce secteur. Ouais. Également du monde, l'axe Scarpone-Albert Ier, qui est encore chargé. Et un peu de monde aussi, secteur gare, mais rien de bien méchant. Mais le plus, oui, le plus problématique, donc, c'est au niveau du rond-point Marcel Brault. Ouais, là, il va falloir fermer de patience pour circuler. Ouais, et ça se passe aussi en allant vers le parc des Expos, hein, si j'ai bien compris. Hein. Même dans les deux sens, oui. D'ailleurs, il y a du monde. Hein. Voilà, quoi. Oui, ben, c'est depuis le parc des Expos, donc depuis l'autoroute, où ça remonte. Hein, ça remonte jusque-là. Et oui, c'est vrai que ça roule au pas. Merci, Lucia. Belle soirée. Et rendez-vous demain, bien sûr, sur France Bleu Lorraine avec le PC Circulation du Grand Nancy. Partout ailleurs, ça va plutôt bien. Concernant les grands axes autour de Nancy, à 33, 31, ou encore à 330. Voilà, mis à part bien entendu la sortie en direction du parc des Expos, circulation fluide à cette heure-ci. Ça se passe également très bien en ce moment à Épinal, pas de soucis majeurs, mis à part bien entendu les endroits habituels que vous avez l'habitude de fréquenter. Et en cas de problème, vous appelez France Bleu 03 83 36 20 20. 100% SLUC sur France Bleu Lorraine, Laurent Piloni. Bienvenue sur France Bleu Lorraine, 18h09. Merci encore de nous avoir choisis pour ce nouveau rendez-vous de 100% SLUC avec notre équipe de supporters et notre supportrice qui est réunie ce soir. Zoé Larue, bonsoir. Bonsoir à tous. Avec nous François Suti. Salut François. Bonsoir. Et Eric Dardenne au téléphone. Salut Eric. Et bonsoir à tous, bonsoir les amis. Bonjour. Et bonjour parce que tu es au Canada, hein, on le rappelle, hein, Vénard. Alors, dans un instant, François, Zoé et Eric, vous allez pouvoir vous exprimer sur le sujet du jour. Le SLUC serait-elle une équipe aux deux visages? L'équipe du SLUC nous montre un visage des plus intéressants à domicile. C'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Alors, est-ce juste une question de temps? Parce qu'il faut encore trouver les automatismes à l'extérieur. Vous pourrez vous exprimer dans un instant sur ce sujet dans 100% Stuc. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions tous les jours également, puisque outre le téléchargement que l'on vous propose sur francebleu.fr, vous pouvez également podcaster nos émissions 100% Stuc, 100% Sport, 100% SNL via les applis ICI et Radio France. 100% Sluc sur France Bleu Lorraine. 4 sur 4 à domicile depuis le début de saison et le Sluc a plus de difficultés loin de Gentilly. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on est impatient que l'on évoque ce sujet aujourd'hui. On se dit qu'avec ce qu'on voit depuis le début de saison à Gentilly, eh ben, on aimerait bien voir cette équipe du Sluc évoluer de la même manière loin de ses bases. Mais on sait très bien qu'en sport, François, Zoé, Eric... c'est loin d'être gagné. Zoé, tu vas commencer tout d'abord. 4 sur 4 à domicile avec notamment cette victoire face à Boulogne samedi. Tu voulais peut-être revenir dessus tout d'abord. Oui, bah, une belle victoire, on va dire, même si le match était convenable. On va dire, c'est pas le match de l'année, mais en tout cas, l'essentiel était fait. Moi, je pense, je l'avais dit, hein, la semaine dernière, pour moi, c'était un match piège, justement. On a bien vu, hein, l'entame de match n'a pas été si simple que ça. L'entame. Ça s'est arrêté rapidement, mais on va dire que voilà, les 7, 8, voire 10 premières minutes étaient un petit peu compliquées, mais je m'attendais à une équipe qui allait tout de suite rentrer dans le dur pour essayer d'imposer son jeu, de nous faire douter, et puis au final, ben, on a su être patient, avoir la maîtrise du match, revenir petit à petit, et puis creuser l'écart. Donc, c'est plutôt un très bon match pour moi, même si dans le jeu, c'était pas incroyable, mais l'essentiel est fait, et surtout, on reste invaincu à Gentilly, et je le redis encore, je pense que Gentilly, cette année, ce sera très très dur de venir gagner contre le Sluc. François Suti. Oui, j'enchaîne, et je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et Gentilly, forteresse imprenable, c'était le rêve pour remonter de Pro B à Pro A. Et puis là, mine de rien, on enchaîne 4 matchs d'affilée, on donne du plaisir au public qui vient nombreux, même à des horaires complètement tordus, et la suite promet d'être intéressante. Après, le prochain match à domicile, c'est Monaco, donc on aura peut-être un autre sujet, et ça sera peut-être difficile, enfin, on peut y croire, et il faut jouer le match. Oui, on est sur une très très bonne dynamique, en tout cas une dynamique qu'on n'a pas connue depuis des années. Et c'est hyper encourageant. Surtout en entame de championnat. Ouais. Je trouve, enfin, tu vois, c'est compliqué. On est beaucoup plus tranquille, hein, quand même. Hein. Ouais, mais c'est quand même compliqué d'habitude de se roder. De, voilà, ça prend quelques matchs. Et là, on y est tout de suite, quoi, à domicile. Et c'est ça qui est vraiment encourageant, puisque ça ne peut que progresser. Je vois pas pourquoi ça partirait dans le sens inverse. C'est surtout des équipes très différentes aussi. On a joué du très bon, comme du moins bon, entre guillemets. Mais enfin, je veux dire, des équipes avec des armes différentes, des équipes plus athlétiques que d'autres. Voilà, je trouve qu'on sait s'adapter. Et ça, c'est un atout qu'il va falloir mettre à l'extérieur aussi. Et les quatre matchs qu'on a gagnés à domicile, il y a quand même Paris et Dijon qui, sur le papier, sont quand même nettement au-dessus de nous. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on est sixième au classement, avec un match en moins, il ne faut pas l'oublier. Si on... À l'extérieur. À l'extérieur, mais justement, si on se plaisait à compter une victoire, on est dans les... On est troisième. Ouais. On est troisième au niveau de Paris, complètement. Alors, aujourd'hui, la sixième place, elle est hyper appréciable, on la savoure. Et puis, on a deux déplacements qui arrivent et qui vont être très intéressants, parce que c'est des déplacements chez un promu qu'on connaît bien pour l'avoir fréquenté pendant les cinq années de purgatoire. Et jouer à Saint-Quentin, c'est jamais facile, c'est une petite salle. Moi, j'ai regardé Saint-Quentin-Villeurbanne il y a 10 jours. C'est impressionnant. Mais si on arrive à faire quelque chose à Saint-Quentin, là, on va pouvoir parler autrement. Et puis, on va jouer à Gravelines, qui est toujours à zéro victoire. Et on va à Blois. Alors, on ira à Blois aussi. On va à Blois aussi. Ouais, c'est Blois. On va à Blois. On va à Blois d'abord. Oui, Gravelines, c'est ça. On va à Blois. Ouais. Donc, et tu vois, c'est deux. Et là, c'est deux qui sont théoriquement à notre portée. Ouais. Mais avec un Saint-Quentin qui est quand même en pleine bourre aujourd'hui et qu'il faudra traiter le plus sérieusement possible, mais on a des atouts parce qu'on les connaît. Et ils n'ont pas vraiment changé de jeu depuis l'année dernière. Hein. C'est l'équipe, elle reste quand même assez homogène à ce qu'elle était l'an dernier. Ça peut être un gros avantage pour nous. Avantage que n'avaient pas les équipes qui ont rencontré Saint-Quentin jusque maintenant. On va parler du Sluc justement à l'extérieur. On va donner la parole à Eric Dardenne qui nous rejoint sur France Bleu Lorraine. Eric, cette victoire face à Boulogne, tu l'apprécies parce que c'est la quatrième de la saison à domicile, c'est ce carton plein, tu l'apprécies aussi pourquoi? Parce qu'on a su s'adapter face à un adversaire encore une fois différent? Oui, je l'apprécie pour la régularité effectivement qu'a montré l'équipe à domicile. Après, je n'ai pas vu encore grand-chose à cause des petits déboires techniques sur ce week depuis le Québec. Je me suis rattrapé hier avec une belle victoire en Coupe de France contre une modeste équipe de National 1, Mulhouse, mais qui était euphorique. Et on a quand même gagné à l'extérieur, mais si c'était plus un match d'entraînement qu'autre chose. Et pour Saint-Quentin, j'y travaille modestement. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur l'embouchure du Saint-Laurent, Saint-Laurent-Pilloni. Donc, en espérant conjurer le mauvais sort et l'ambiance de feu qui vont nous mettre à Saint-Quentin. Voilà. Donc, je vais faire la danse des baleines, des cachalots. Enfin, je vais faire quelque chose. Tu vas tout faire. Dans un instant, on parlera donc de ce SLUC que l'on aimerait voir gagner maintenant à l'extérieur. Et donc, vous avez commencé à en parler, Saint-Quentin et Blois qui arrivent. Mais au-delà des performances que l'on attend, c'est surtout de voir une équipe capable, encore une fois, de s'adapter, cette fois loin de Gentilly. C'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce une question de temps? Parce qu'il n'y a eu que deux matchs à l'extérieur, trois avec la Coupe de France, mais hier c'était assez compliqué. Compliqué parce que c'est ce que disait Eric, hein, face à un adversaire survolté comme tout match de Coupe de France. Quoi. Compliqué aussi parce qu'on a pris comme un match d'entraînement, on a pris comme une compétition et comme match qu'il fallait absolument gagner. Évidemment. Après, qu'on soit loin des bases ou pas loin des bases, on entendait hier que le maintien, il se jouerait autour de 14 victoires. 14 victoires. Si on gagne 14 matchs à domicile, c'est déjà pas mal. Je suis preneur, moi. Et on est pour le moment sur le bon rythme. Bien sûr. Après les matchs à l'extérieur, on en gagnera forcément. Alors, effectivement, c'est une question de temps, mais les deux déplacements qui arrivent vont être révélateurs et vont soit nous donner tout de suite un bon signal avec une victoire sur les deux déplacements. Soit nous dire qu'il va peut-être falloir patienter encore un petit peu pour pouvoir gagner à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on évoque aussi le temps peut-être pour cette équipe encore une fois qui était remodelée à près de 50%, hein. On rappelle, hein. Donc ça joue peut-être aussi dans les performances loin de gentilles. Vous écoutez France Bleu Lorraine 100% Sluc, la suite dans un instant. Et ils ont de l'or dans les mains. J'ai un peu ressorti du tiroir couteau des bergers lorrains. C'était vraiment un couteau de berger qui était produit par les agriculteurs. Des idées plein la tête. Pour finir cette série, je me suis dit, tiens, je vais en faire un grand. Des envies de créer et ils se racontent dans le Made in Lorraine. Ma mère, coucou maman, me dit, mais comment tu sais faire tout ça? Made in Lorraine, le rendez-vous des talents lorrains tous les jours dans le 6-9 et tous les dimanches de 10h à 11h pour le MAG spécial Made in Lorraine sur France Bleu Lorraine. C'est fou, c'est totalement fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Chez Luxertour, c'est la folie des promos d'hiver. Il y a jusque 200 euros de réduction sur les forfaits vacances vers La Palma, le Cap Vert, la Tunisie et bien d'autres destinations pour voyager du 1er décembre au 31 mars. Waouh, à nous le soleil cet hiver. Vite, on a jusqu'au 19 octobre. On y va. On réserve où? Sur luxertour.lu ou en agence de voyage? Luxertour, voyagez en bonne compagnie. 100% Sluc sur France Bleu Lorraine. Laurent Piloni. 100% Sluc, la quotidienne Zoé Larue, François Suti, Eric Dardenne, supporter du Sluc Nancy Basket dans cette émission où l'on évoque maintenant le Sluc qui, loin de gentil, pour l'instant n'a pas trouvé la clé. Défaite à Roanne, on le rappelle, hein. Défaite également à Villeurbanne, pardon, et petite victoire, mais victoire quand même hier soir du côté de Mulhouse. Pfaffstadt, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Fastat. Je suis pas alsacien, donc j'ai du mal à le dire. Victoire donc acquise dans la douleur, mais encore une fois, match un peu spécial parce que c'est toujours la coupe. Quoi qu'il en soit, on reste un petit peu sur notre fin. C'est aussi pour ça que je voulais évoquer le sujet ce soir. Parce que depuis le début de saison, on voit des choses intéressantes, hein, mais voilà, donc loin de gentil, c'est un peu plus compliqué. Tu attribues à quoi ces difficultés, entre guillemets, Zoé? C'est compliqué à analyser parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, moi, je prendrais pas que ce début de saison. La saison dernière, on en a déjà parlé. C'était déjà compliqué. Donc, je pense qu'on est dans la continuité. Ouais, c'est ça. On est un petit peu dans la continuité. On n'arrive pas à créer une dynamique justement à l'extérieur, en fait, selon moi. Après, c'est dû à quoi? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Par contre, je trouve que nos débuts de match sont toujours un petit peu compliqués. On prend l'eau rapidement parfois, donc c'est très compliqué à l'extérieur après de revenir. On a effectivement le manque de temps que tu connais, voilà, exactement. Donc à l'extérieur c'est toujours plus compliqué. À Gentil, t'as des repères que tu n'as pas, voilà, dans que ta tu salle. N'as exactement. Là il y a les trajets, il y a beaucoup de choses, hein, qui peuvent rentrer en compte. Après, j'ai cette sensation quand même qu'on pourrait le faire et qu'on joue pas à 100% notre jeu à l'extérieur. On a beaucoup plus de facilité à se lâcher à domicile plus rapidement. À l'extérieur, on se retrouve souvent mené, puis après on se dit bon bah là on y va. Et sur le moment, on est un petit peu hors du rythme. Ouais. Voilà, on se laisse un petit peu marcher dessus à l'extérieur. Ouais. Après, c'est un grand mot, marcher dessus, hein, mais je pense que ça peut le faire, mais c'est histoire de recréer une dynamique et de la confiance, en fait. Je pense aussi que inconsciemment, les joueurs, quand ils vont à l'extérieur, bah, ils sont pas aussi confiants que quand ils arrivent à Gentilly. Donc, ça se joue aussi dans la tête. On en revient à la différence fondamentale entre le match à domicile et l'extérieur, c'est le public et l'ambiance de la salle. Ouais. Et aujourd'hui, à Gentilly, on a un public qui porte. Tu penses que c'est que ça, François? Moi, je pense à deux trucs. Je pense au public qui porte et qui soutient, quoi qu'il arrive. Et même quand on est en difficulté avec un début de match un peu difficile, un peu compliqué, et le match de Levallois a été très révélateur parce que c'est un rythme qui nous allait pas du tout et il a fallu qu'on trouve le temps d'imposer notre rythme plutôt que de subir celui de Levallois. Et puis,